Bonjour, je vous propose une émission qui avait été diffusée pour la première fois le 20 avril 2019 avec Isabelle Chevrel et qui s'intitule « Babar est-il immortel ?» Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940. Voilà la tête et la trompe. Puis alors, là j'ai fait la défense, et puis l'autre défense, et puis les yeux, là une oreille, et puis l'autre oreille. Voilà, la tête de Baba. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Serons-nous donc futiles ce matin? Je ne le crois pas. Espiègle, oui, peut-être, mais dans un domaine où le charme de la fantaisie laisse souvent surgir des profondeurs quelques forces inattendues. En parlant de Babar, et oui, de l'éléphant Babar, mon propos n'est pas, ou pas seulement, de susciter chez nos auditeurs le doux pincement d'une nostalgie les ramenant vers leur enfance. Il n'est pas, ou pas seulement, de saluer un chef-d'œuvre de la littérature enfantine qui, au même titre que Pinocchio en Italie ou Winnie l'ourson en Angleterre, a connu depuis son apparition dans les années 30 un succès universel. Il va s'agir aussi de s'interroger sur ses liens avec le moment disparu qui a vu naître notre doux pachyderme, avec l'univers social, intellectuel, artistique, civique enfin, au cœur duquel il a d'abord prospéré, une bourgeoisie éclairée des années 30. Et puis, le temps passant, d'enquêter sur les ressorts d'une popularité aussi durable, puisqu'elle s'est perpétuée selon des modalités variables et sur des supports évolutifs de génération en génération. Vous vous rappelez, probablement, certainement, l'émouvant incipit « Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar ». Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Hélas, la maman ne va pas survivre. Tout simple, trop simple, pour mériter plus qu'un sourire attendri. On pourrait passer outre sans plus de façon. Eh bien, pas du tout. Ce serait dommage. Vous allez voir cela en compagnie d'Isabelle Chevrel, professeure émérite de littérature comparée à l'Université de Haute-Bretagne, Rennes 2, qui est une des meilleures babarologues de la place. Et pour commencer, Peter Ustinov et Francis Poulenc. Après l'enterrement, les plus vieux des éléphants se sont réunis pour choisir un nouveau roi. Juste à ce moment, ils entendent du bruit. Il se retourne. Qu'est-ce qu'il voit? Babar qui arrive dans son auto et tous les éléphants qui courent en criant « Les voilà! Les voilà! » Ils sont revenus. Bonjour Babar! Bonjour Arthur! Bonjour Céleste! Quel beau costume! Oh! Quel bel auto! Alors Cornelius, le plus vieux des éléphants, dit de sa voix tremblante Mes bons amis, nous cherchons un roi. Pourquoi ne pas choisir Babar? Il revient de la ville, il a beaucoup appris chez les hommes. Donnons-lui la couronne. Tous les éléphants trouvent que Corniège a très bien parlé. Impatients, ils attendent la réponse de Babar. Je vous remercie tous, dit alors ce dernier, mais avant d'accepter, je dois vous dire que pendant notre voyage en auto, Céleste et moi, nous nous sommes fiancés. Si je suis votre roi, elle sera votre reine. Vive la reine Céleste! Vive le roi Babar! Crient tous les éléphants sans hésiter. Et c'est ainsi que Babar devient roi! Isabelle Chevrel, bonjour. Bonjour. Je vous ai, d'entrée de jeu, transporté au festival de Verbier en Suisse, le 22 juillet 1999. Peter Ustinov interprétait l'histoire de Babar. C'est le titre du premier album de Jean de Brunhoff, mais c'est aussi le titre de la création de Francis Poulenc après la guerre, où il a, à partir du texte dont je parle, proposé une musique qui est restée fameuse. Et très remarquable, et gaie et fine. D'où vous vient cette appétence pour Babar? La question n'est pas indiscrète, mais il faut que vous nous disiez ça d'emblée. Elle n'est pas indiscrète du tout. Alors, c'est très évidemment une affaire d'enfance. J'habitais avec mes frères et sœurs à la campagne, dans un endroit où il n'y avait à l'époque ni radio ni télévision. Et dès que j'ai su lire, j'ai lu. La chance a voulu qu'ayant une tante jardinière d'enfants, des grands-parents appartenant à une bourgeoisie aisée, nous avons très vite eu les Babars. Je me souviens quand ma petite sœur, ma jeune sœur, a eu en cadeau les vacances de Zéphyr. Bon, et nous avons lu ça. Et nous savions ça par cœur. C'était entré dans la culture familiale. Si un enfant faisait une bêtise, prenait un couteau, vous pouvez se brûler, les parents disaient « Ce n'est pas un joujou, monsieur éléphant !» Et l'affaire était réglée. Il n'y avait même pas besoin d'attraper l'enfant. Bon. Et donc, on a toujours tous ça en commun, tous mes cousins et moi. Je ne voudrais pas, ce serait discourtois, vous rendre banal, Isabelle Chevrel, mais il me semble que cette évocation que vous venez de faire pourrait être faite par beaucoup d'autres. Et c'est aussi peut-être pour cela que j'ai pris le risque de dire qu'il était immortel. Alors, immortel, ça c'est une autre affaire. Nous le verrons. Mais par contre, c'est évident que c'était des milieux aisés, les livres étaient chers, mais qu'ils ont eu un succès absolument immédiat, qui a d'ailleurs peut-être surpris le Jardin des Modes, qui était une émission de presse et qui a édité les Babars pour aider le petit frère, hein, Jean de Brunhoff. Et à leur grande surprise, dès le premier livre, ça a été remarqué par la presse en termes très élogieux et le succès a été immédiat. Comme l'a dit Sylvain Tesson, le génie de Brunhoff est peut-être d'avoir fait du plus lourd des mammifères terrestres un monument de délicatesse. On pourrait dire ça, c'est très joli. Alors, il faut que nous évoquions le milieu très particulier au cœur duquel est né Babar. Il faut que nous expliquions dans quel terreau familial il est apparu. Nous disposons pour cela d'un livre récent très très précieux de Ise Williams, qui est une journaliste spécialisée dans la mode et qui a publié un ouvrage s'intitulant « La splendeur des Brunhoff » tout récemment. C'est une famille, vous le disiez, aisée, d'origine un peu mythique, balte même, on dit même qu'une ancêtre a été la fille naturelle de Bernadotte, Oscar, le roi des Suèces. Oui, je ne sais pas très bien si c'est... Bon, en fait, il y a un petit accroc dans la généalogie, mais ça n'a pas aucune importance pour nous. C'est un accroc très noble, c'est un accroc royal. Oui, là, on ne sait pas très bien si le de, on ne sait pas très bien s'il y a de ou s'il y a Brunhoff, simplement. Hein, bon. Mais peu importe si. Et en fait, le père de Jean de Brunhoff, l'auteur de Babar. De Babar, est arrivé en France, il a épousé, c'était quelqu'un de très entreprenant. Hein, c'est lui qui est connu pour les fameux livrets des ballets russes. Bon. Diaghilev et il a très vite travaillé dans le monde de la presse et de l'image. Ses différents enfants de même. Il y a Cosette qui a épousé Lucien Vogel, qui a été un grand homme de presse. Jacques qui a plutôt aidé son père, qui a monté une revue de décoration. Michel qui a été très important sur les rapports avec les États-Unis, Harper's Bazaar et Vue. Et puis le petit cadet, c'est Jean. Il faut s'arrêter un instant sur Lucien Vogel, c'est un personnage considérable. C'est un personnage considérable. Vue est une très belle et importante revue qui s'est engagée très vite dans la lutte contre le nazisme et le fascisme, qui a utilisé le talent de grands photographes, par exemple Capa. Et il a payé. Parce que les actionnaires de la revue n'ont pas apprécié du tout ces photos sur la guerre d'Espagne et ils l'ont viré l'espace d'un été. On peut continuer aussi, sa fille Marie-Claude a été une des premières à faire la photo de l'entrée du camp de Dachau, ce que les Allemands n'ont pas apprécié du tout, du tout. En 33-34. Oui, elle a été une résistante, elle a été en concentration. Et elle a notamment témoigné, c'est un témoignage fameux, au procès de Nuremberg. Tout à fait. Globalement, la famille, j'ai interrogé une fois Mathieu Brunoff qui m'a dit « Je ne pourrais pas vous dire exactement quelles sont les positions politiques de mon père, mais tout de même, tout ce monde-là est dans un monde de gauche, on va dire, hein, pour parler globalement. » Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est la femme de Paul Vaillant-Couturier, qui est mort, qui était un grand leader communiste, qui est mort prématurément avant la guerre, a été elle-même parlementaire communiste pendant très longtemps. On voit assez bien cet univers particulier. Oui, tout à fait. Bourgeoisie protestante, bourgeoisie juive, on est assez dans la tradition finalement du dreyfusisme des années 1900. C'est ce que Mathieu de Brunoff, qui est un des trois fils, marque volontiers dans les conversations que vous avez eues avec lui et qui ont beaucoup enrichi votre livre. J'ai eu l'extrême chance que Mathieu Brunoff habite Paris, qu'il m'ait fait bon accueil. Et à chaque étape de mon travail, j'arrivais avec ma petite réserve de questions. Et il me faisait toujours bon accueil et m'a donné un nombre considérable d'informations. Il a même fait quelque chose qui m'a presque, on va dire, gênée. Il m'a confié ce qu'il avait de correspondance de son père. Et donc, j'ai eu la correspondance de guerre. Il a été mobilisé en fin de guerre, en 17-18. Et après ça, plus la correspondance de avant qu'il ne tombe malade. Et c'est très troublant d'entrer dans la correspondance. Une correspondance qui ne vous est pas destinée. Mais c'est ce qu'on appelle un travail d'historien. Oui, mais pour moi, c'est la première fois que je le faisais et c'est très troublant. Alors, il y a trois fils de Jean de Brunoff. Jean de Brunoff qui, comme vous le dites, est mort prématurément après avoir publié trois volumes, trois babars. Oui. Deux autres paraîtront à titre posthume. Il a trois fils. Un, Thierry de Brunoff, qui était un pianiste admirable et admiré, qui, à 40 ans environ, est entré dans les ordres. Oui. Où il est toujours. Un autre, qui est Mathieu de Brunoff, qui a été médecin pédiatre. Et puis Laurent de Brunoff, qui lui-même a prolongé, tout à fait, comme artiste, l'œuvre de son père, a prolongé Babar. Il est interrogé dans l'archive que je vais vous donner à entendre par Jeanne Labrune, cette émission Zigzag d'Antenne 2, la télévision, le 16 septembre 1981. Laurent de Brunoff. Mon père était peintre et il n'avait jamais pensé à faire des livres d'enfants avant cette année 1931 où Babar est né. Et Babar est né parce que ma mère, un jour, a eu envie de nous raconter une histoire de petit éléphant. Toutes les mères racontent des histoires à leurs enfants et je ne sais pas pourquoi cette histoire de petit éléphant qui s'enfuit parce qu'il a peur du chasseur et qui va dans la ville et qui s'habille comme un homme nous avait plu tellement à mon frère et à moi. Mais on l'a raconté à notre père qui a eu envie justement à ce moment-là de faire un livre pour nous. Dans le premier Babar, son monde c'est la grande forêt, c'est la jungle, etc. Et ce monde-là, il le quitte très vite pour arriver dans le monde des hommes, où il rencontre ce personnage essentiel des albums Babar, qui est la vieille dame, qui au fond prend le rôle de la maman qui a été tuée par le chasseur. Elle remplace un peu la maman de Babar. Et après, mon père lui-même a pris goût à son nouveau métier, finalement, et il a continué les histoires de ce petit éléphant. D'abord, il l'a nommé Babar. C'est lui qui a inventé le nom. Pourquoi Babar ? Ça, je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. ni ma mère ni mon frère ne se rappellent comment ce nom est venu. Dans le troisième album, Le Roi Babar, Babar fonde sa société des éléphants. Finalement. Il crée sa ville avec toutes ses petites maisons pareilles qui, évidemment, ont un côté un peu phalanstère du 19e siècle. Tout ça revu et corrigé par une architecture de 1930, le palais des fêtes, le palais du travail, etc. Et là, évidemment, l'atmosphère babar perd un petit peu du côté poétique et de la jungle pour devenir une gentille satire des hommes. On sent une certaine France des années 30, qui est reflétée dans les premiers babars. Quelle était cette France ? Oui, je crois en effet que les premiers babars sont assez marqués par cette atmosphère bourgeoise, assez heureuse des années 30, c'est certain. Et qui était notre vie, à mon frère et à moi, notre vie de famille, certainement. Et on peut peut-être même remonter plus loin, parce que mon père était d'une famille protestante, et certaines morales, peut-être, transparaient dans les albums babars. Mon père est mort en 1937, donc, et deux albums sont parus après sa mort. En 1946, c'est moi qui ai repris la série Babar. Je voulais que Babar continue à vivre, et peut-être un peu que mon père continue à vivre aussi, je sais pas. Alors, rappelez-nous, Isabelle Chevrel, ce que sont ces cinq albums qui sont dus au talent, à l'imagination de cet homme jeune, Jean de Brunhoff, un peintre qui n'avait pas vraiment réussi à affirmer sa peinture et qui tout à coup trouve l'ouverture vers quelque chose d'exceptionnel, de rare, babar, peut-être sanskrit. Enfin, je n'entrerai pas à mon tour dans ce débat sur l'origine du terme. Alors, au départ, il veut effectivement être peintre, mais bon, on ne gagne pas sa vie, il a deux enfants, et c'est son père qui le suggère, mais pourquoi tu ne ferais pas un album pour enfants ? Et il lui écrit, il dit, c'est difficile, je suis couché, il avait un problème de tuberculose, à l'époque, on ne savait guère la soigner, ou pas bien. Bon, et il dit, et puis faire un album pour enfants, c'est très difficile. La preuve, c'est qu'il y a très peu de réussite. Et donc, le premier, Zard de Babar, au fond, c'est très curieux. C'est quoi ? 30 pages, 40 pages, je ne sais plus le format. C'est, au fond, mener un personnage de sa naissance à son mariage. C'est quand même rapide. Bon. Et effectivement, le grand élément dramatique, c'est que la mère meurt avec ce vilain chasseur. Et donc, il va à la ville et, Dieu merci, une vieille dame lui donne son porte-monnaie. Et il se métamorphose en homme. La scène où il s'habille est absolument somptueuse, où il passe de la position à quatre pattes pour se redresser, mettre un costume. On a l'impression que Jean Brunhoff a toujours su comment un éléphant enfilait un costume. C'est très stupéfiant. Et puis, étape par étape, il va mener jusqu'au mariage. Cette anthropomorphisation tout à fait étonnante. Eh bien, je vous offre le début avec cet incipit que j'évoquais, voilà, qui continue avec le recul d'en émouvoir plus d'un ou plus d'une. Écoutez cette lecture par l'actrice Coralie Sérig de l'histoire de Babar, Le Petit Éléphant. C'est le premier volume et c'est le tout début que vous allez entendre. C'est un extrait de Première Lecture sur France Culture, le 21 janvier de l'an de grâce 1989. Dans la grande forêt, un petit éléphant est né. Il s'appelle Babar. Sa maman l'aime beaucoup. Pour l'endormir, elle le berce avec sa trompe en chantant tout doucement. Babar a grandi. Il joue maintenant avec les autres enfants éléphants. C'est un des plus gentils. C'est lui qui creuse le sable avec un coquillage. Babar se promène très heureux sur le dos de sa maman, quand un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Le singe se cache. Les oiseaux s'envolent. Babar pleure. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur. Au bout de quelques jours bien fatigué, il arrive près d'une ville. Il est très étonné parce que c'est la première fois qu'il voit tant de maisons. Que de choses nouvelles, ces belles avenues, ces autos et ces autobus. Pourtant, ce qui intéresse le plus Babar, ce sont deux messieurs qu'il rencontre dans la rue. Il pense, vraiment, elles sont très bien habillées. Je voudrais bien avoir aussi un beau costume. Mais comment faire? Heureusement, une vieille dame très riche, qui aimait beaucoup les petits éléphants, comprend en le regardant qu'il a envie d'un bel habit. Comme elle aime faire plaisir, elle lui donne son porte-monnaie. Babar lui dit « Merci, madame ». Sans perdre une minute, Babar va dans un grand magasin. Il entre dans l'ascenseur. Il trouve si amusant de monter et de descendre dans cette drôle de boîte qu'il monte 10 fois tout en haut, descend 10 fois tout en bas. Il allait continuer quand le groom de l'ascenseur lui dit « Ce n'est pas un joujou, monsieur l'éléphant. Maintenant, il faut sortir pour acheter ce que vous voulez. Et justement, voilà le chef de rayon. » Alors, il s'achète une chemise avec col et cravate, un costume d'une agréable couleur verte, enfin des souliers avec des guêtres, puis un beau chapeau melon. D'une agréable couleur verte, cette formule est restée fameuse, n'est-ce pas, Isabelle Chevrel? Alors, d'une part, parce que un costume vert est extrêmement rare, il est probable que Jean Brunhoff avait un problème d'artiste, à savoir que des éléphants gris, c'est pas si facile que ça pour un illustrateur, un personnage gris. Et donc, ce vert pétant, très vif, est resté comme la marque. Et ça se retrouvera jusque dans les pluches, beaucoup plus tard. Avec des couleurs mises à plat. Oui, quasiment tout est en à plat. Pas tout à fait, mais presque tout. Alors, rappelez-nous quelle est la thématique des cinq albums qui ont fait la gloire de Jean de Brunhoff et de Babar. J'essaie de vous rappeler rapidement la suite. Voyage Babar curieux, voyage de noces, drôle de sujet pour un livre d'enfant. Et finalement... C'est très bourgeois, on allait à l'époque au bord du lac de Garde. Certes, mais pour les enfants, bon... Et en fait, je crois que c'est la mise à l'épreuve de Babar. Est-ce qu'il mérite vraiment d'être roi? Il lui arrive les purs des veines de romans d'aventure, des cannibales, isolés sur un îlot désert. Et la fin dramatique, je trouve, de ce voyage de Babar, il arrive et il voit son pays dévasté. Au fond, le roi n'était pas là. C'est là qu'on retrouve l'expérience de Jean de Brunhoff, l'expérience de la Grande Guerre. Il écrit le 5 février 1919, et ce peut être un texte à mettre en face de ce dessin très émouvant qu'on trouve sur, en effet, le lieu des éléphants qui est ruiné après la guerre avec les rhinocéros. Les arbres sont lamentables, brûlés, élevant ce qu'il leur reste de bois vers le ciel gris et triste. Ils semblent tels des manchots, leurs branches sont éparses et leurs troncs remplis d'échardes. Toute la plaine sent la mort, là l'homme a fait tant de mal qu'il a tué la nature vivace. La cathédrale surmonte cette désolation, grand squelette en prière. Oui, cette semaine j'ai pas choisi cet extrait par hasard. La cathédrale surmonte cette désolation, grand squelette en prière, rien à dire. La guerre a passé. C'est un extrait d'une lettre à sa mère quand il traverse Reims en ruine. Cette cathédrale de Reims qu'il voit dévastée, c'est presque la seule image qu'il aura de l'horreur de la guerre, puisqu'il était resté gentiment à Romorantin. Et ça l'a bouleversé. Et on le retrouve à la fin de cet album de Babar. Alors il y a le voyage de Babar, il part après en ballon. Après ça, il y a le roi Babar, la paix étant revenue, il essaie de dire à des enfants, ce qui est presque impossible, ce que serait une cité heureuse et idéale. Il fait quelque chose qu'on ne fait guère et très troublant. Comment expliquer l'économie aux enfants? Bon, etc. Bon, et il imagine une société, on travaille le matin et l'après-midi on fait ce qu'on veut. On joue, on rêve et nous sommes avant 1936. C'est une sorte de phalanstère un peu fourriériste? Pas forcément. C'est aussi l'architecture, toute la recherche de l'architecte de l'entre-deux-guerres, des cités-jardins. Vous voyez? Ça s'inscrit aussi dans une recherche. Il y a un palais des fêtes, un palais du cinéma. J'ai cherché. Il y a quelque chose de genre là, Villeurbanne. Bon. C'est aussi une réflexion un peu utopiste, si vous voulez, des urbanistes de l'entre-deux-guerres. Même avant la guerre, l'abbé Lemire était fameux pour avoir lancé dans le Nord ce projet de cité-jardin. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est aussi dans l'air du temps, hein, et qui est tout à fait, que je trouve tout à fait intéressant. Et après ça, il est en panne, il sait plus quoi faire, il a raconté ce qu'il avait à dire. Alors il va imaginer un abécédaire qui n'est plus un album narratif, hein, qui renvoie à la vieille tradition des abécédaires, et qui va effectivement être un livre tout à fait remarquable, tellement remarquable que quand j'ai voulu en acheter un, je voulais acheter une version Jardin des Modes et pas Hachette, j'ai pu qu'en acheter un si dépnaillé que je ne pouvais pas l'ouvrir pour le faire photographier. C'est navrant. Non, ça veut dire que il a été usé, il a servi, il a été usé jusqu'à la garde. Alors ensuite, il arrive le livre qui, pour certains, c'est mon cas, constitue le chef-d'œuvre, c'est-à-dire les Vacances de Zéphyr. Je suis contente que vous ayez la même opinion que moi. C'est dommage. Alors, ça diminuera le feu de notre conversation, mais ça donnera un climat positif à celle-ci. En fait, les Vacances de Zéphyr, il ne sait plus quoi faire de Babar. Il a fait le tour, on va dire. Et là, il va avoir l'idée de prendre un personnage qui s'est entré de manière marginale, qui est un humanoïde, en fin de compte, de silhouette, un petit vertical brun. Bon. Et il va avoir donc une autre esthétique. Et ce qui est très curieux quand on regarde les Vacances de Zéphyr, c'est que il va aller à la pêche et il va pêcher une sirène. Et on est dans une structure de conte merveilleux et fabuleux. Nous sommes en 36. Andersen est aussi dans l'ombre. Andersen, bien sûr. Et on voit les seins de la sirène. Hein? Ça, c'était très audacieux. Donc, et le lecteur voit les seins de la sirène, la plus mignonne des trois, si je puis dire. Et avant même que lui-même la tire par les cheveux hors de l'eau. Et il va la délivrer, elle va dire, si t'as besoin, je t'aiderai. Et bien sûr, on a comme ça un conte merveilleux, si vous voulez. Un magnifique conte merveilleux. Et puis après ça, eh bien ma foi, quand même, la fatigue et la guerre vont devenir un peu plus rudes. Et il va faire donc deux autres derniers albums. Babar et le Père Noël et très compliqué parce qu'il n'a pas, la mise en page n'a pas été faite par Jean Brunhoff, mais par la maison Hachette. Ça a été édité après sa mort. Et je le trouve très émouvant. C'est les enfants du pays des éléphants voudraient avoir un Père Noël. Et Babar dit que je vais aller le chercher. Et il fait une quête dans le froid, la fatigue, la neige. Et il arrive chez le Père Noël. Et en fait, ce sont deux vieux bonshommes, tous les deux mal fichus, malades, et qui vont presque se guérir l'un l'autre. Pour moi, c'est, en fin de compte, la mort de Jean de Brunhoff. C'est-à-dire qu'en fait, il est âgé, il va mourir assez peu de temps après. Il n'a pas eu le temps de faire la maquette finale. Je ne suis même pas certaine que le texte publié par Hachette ne soit pas une traduction faite sur le texte anglais. Donc c'est à la fois un livre pas abouti et absolument bouleversant, en particulier tous les enfants du monde qui ont eu le livre entre les mains, ont rêvé sur cette maison en coupe du Père Noël avec les petits lutins qui fabriquent les jouets, les petites poulies pour faire descendre et monter l'ascenseur. Donc c'est très émouvant et en même temps, au fond, très triste. Alors au point où nous en sommes de notre conversation consacrée à Babar, Isabelle Chevrel, il faut que nous interrogions sur les raisons pour lesquelles cette œuvre a connu, après la mort de Jean de Brunhoff, un tel succès. Le rôle de Laurent de Brunhoff, le fils qui a prolongé les choses, est évidemment important, mais il faut dire davantage. Qu'est-ce qui est à la fois très daté et qu'est-ce qui peut apparaître comme très durable? Il faut savoir qu'il y a des adversaires de Babar qui considère qu'il est sexiste et il est colonialiste, antidémocratique. Je pense à un livre qui est paru il y a quelque temps qui s'appelle « Should we burn Babar ? Est-ce que nous devrions brûler Babar ?» qui est un essai sur la littérature des enfants et sur le pouvoir des histoires qu'on raconte. Un livre de Herbert Cole qui est paru à Nouvelle Presse aux États-Unis. Je ne crois pas que le livre ait été traduit, peut-être parce qu'il était trop brutal à l'égard de notre Babar. Et pour lui, c'est un poison parce que les femmes sont méprisées. Céleste est confinée aux tâches ménagères parce que la vision des sauvages serait extrêmement négative et parce qu'en somme, avoir un roi, ce n'est pas très démocratique. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est un peu compliqué. D'une part, parce qu'après tout, il est né en Afrique. Du moins, une Afrique de pacotille. Ah bah. Hein, et sa mère est tuée par un vilain colonialiste, on va dire, avec son casque, etc. Le chasseur, donc, le méchant chasseur. Donc le village chasseur est déjà une agression européenne, on va dire, blanche, même si on ne voit pas son visage, sur le monde idéal, ce paradis de l'enfance. Bon. Et la question revient dans le second album, Le Voyage de Babar. Et au fond, c'est comme une mise à l'épreuve de son héros. Et cette mise à l'épreuve a trois grandes étapes. Première étape, le ballon, façon Jules Verne, arrive sur une île qu'il croit déserte. Elle ne l'est pas. Arrivent des sauvages selon l'iconographie de l'époque. Et surtout, le texte fait dire de sauvages féroces cannibales. Ce qui, pour nous, est bien sûr un stéréotype inacceptable. Ça va de soi. Mais quand on regarde le texte, bien sûr, l'album se situe au moment de l'exposition coloniale en France. D'ailleurs, il n'y aura pas de deuxième exposition coloniale. 1931. Bon. Et les sauvages cannibales, dit le narrateur, ne sont pas du tout cannibales, ils ne mangent pas des hommes. Ils tâtent, si je puis dire, la peau de Babar ou de Sélège, je ne sais plus, en disant « Ces bêtes ont la peau d'un dur ». Donc pour eux, il est très clair que c'est de la viande de brousse, comme nous, nous mangeons du lièvre, du sanglier, que sais-je. Bien. Donc voilà. Mais évidemment, aujourd'hui, et dans une classe, quel enseignant oserait ? Et on comprend qu'aux États-Unis, où la question noire reste encore très vive, on renâcle, hein, ça, je trouve ça tout à fait normal. Mais si on regarde la logique du livre, on voit que Babar subit trois épreuves qui, toutes les trois, posent la question insidieuse « Alors, mon héros, un humain ou un animal ?» Ça, c'est la première. Est-ce qu'on peut manger de l'humain ? Cannibale, non, ça se fait pas. Bon. Deuxième temps, il est recueilli sur un navire, il est mis dans les cales, et Babar, quand même conscient de lui-même, râle, furieux, le en colère. Le roi ligoté, et on nous couche sur la paille, nous mangeons de la paille comme des ânes. Enfin, je suis quand même un roi, quoi. Hein? Bon. Et puis, le troisième temps, il est acheté par un montreur de cirque et qu'il est fait travailler dans un cirque. Et à ce moment-là, on voit la rouerie de l'homme blanc. Ça se faisait au 19e, il y a eu des éléphants, dont un qui s'appelait Babar, justement. Et on déguise Babar en trompettiste de pacotille et on met Céleste en tutu, ce qui est évidemment irrésistible du point de vue de la silhouette de Céleste. Bon. Et donc, à nouveau, c'est alors. Cette fois, c'est bien un animal que les hommes s'amusent à déguiser en homme. Et au fond, son humanité radicale est rétablie quand il arrive chez lui et absolument bouleversé de voir son territoire totalement ravagé par la guerre. Et là, il est le roi fautif, le roi qui n'a pas été là quand son peuple avait besoin de lui. D'où la grande guerre contre les rhinocéros, voilà. Cela confirme, Isabelle Chevrel, qu'il faut tout simplement apprendre aux élèves, aux lecteurs, à ne pas être anachronique et se servir de ses œuvres pour faire du didactisme bien compris sur la différence des époques et éventuellement sur les progrès moraux. Faire les deux choses à la fois. Resituer, effectivement, dans la chronologie et apprendre à réellement lire un texte et réellement lire des images. Sur les femmes, je trouve ça un peu ahistorique, on va dire. Oui, parce qu'il faut que les historiens expliquent dans quel milieu, bien sûr, dans quel milieu une œuvre a surgi. Tout à fait. On ne peut pas la surcharger d'interprétations ultérieures. On ne peut pas le reprocher de ne pas être d'aujourd'hui. Il y a une contradiction dans les termes. Bon. Quitte à expliquer la distance. Oui, mais c'est pour ça que moi j'ai cherché d'assez près à voir qu'il y a-t-il des droits des femmes. Quand est-ce que les femmes... Bon, après tout, les femmes n'ont eu le droit de vote en France qu'après 45, hein. Bon, et les femmes ont eu le droit d'avoir un compte en banque sans demander à leur mari, encore plus récemment. Bon, donc ce sont des choses très importantes. Cécile de Brunhoff, la femme de Jean de Brunhoff, qui est d'ailleurs morte centenaire, oui, Son mari avait pensé, semble-t-il, à mettre son nom sur les albums, puisqu'il avait inventé l'histoire. C'est elle qui n'a pas voulu. Oui, parce que refus aussi, d'époque également, peut-être. Non, je pense pas. Je pense que c'est aussi une probité, car en fait, elle avait juste donné l'étincelle, et qu'effectivement, c'était son mari qui avait fait le feu, si vous voulez, allumé le feu, si vous voulez. Il y a enfin une troisième critique chez cet auteur américain, c'est que Babar serait antidémocratique. Le seul fait de la royauté suscitant évidemment des interrogations pour un citoyen formé à la tradition américaine. Écoutez donc cette opinion à cet égard de François Sureau. Vous savez, François Sureau, c'est un avocat, défenseur éminent des droits de l'homme, et qui a pris plaisir à écrire récemment dans la revue NRF, en novembre dernier, à écrire une réflexion sur Babar d'un point de vue politique et qui résume son point de vue ici sur le plateau de Point de vue sur Figaro Live le 18 décembre 2017. Il compare, vous allez voir, Babar à qui ? À Emmanuel Macron. Macron, là-dessus, c'est la réincarnation du roi Babar. Alors, il faut peut-être l'expliquer un peu. Je tiens personnellement que le roi Babar est la figure secrète de la vie politique française, l'archétype absolu, la personne cachée d'un roi à la fois présent et absent, choisi par le peuple et distinct de lui, et qui, en réalité, est un roi absolument central, puisque, à la fois, il met en œuvre une société parfaite, tout en étant raisonnablement absent, et surtout, à partir d'un élément très présent dans l'interview, qui est l'élément moral. Vous vous souvenez qu'à la fin du songe de Babar, l'idée centrale, c'est que l'exercice de l'action publique consiste à conjurer les passions mauvaises du peuple. La tristesse, la haine, le dégoût, la paresse, etc. Une très large part de l'exercice politique macronien consiste moins à prendre des décisions, il en prend par ailleurs, mais à tenter par la parole de conjurer comme Babar dans son rêve les passions mauvaises du peuple. Et c'est la raison pour laquelle cette circulation à l'intérieur du palais de Célesteville m'est apparue absolument symbolique. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Naturellement, Sureau met un peu d'humour dans tout ça. Il dit lui-même que c'est pour rire. Mais enfin, je pense que il considère qu'il y a quand même du vrai. Par exemple, quand il dit ailleurs dans une interview que Babar serait l'incarnation des contradictions françaises. Un monarque républicain, à la fois religieux et scrupuleusement athée, stalinien avec son palais du travail à côté de son palais des fêtes, mais bienveillant, à la fois supérieur et semblable. Une utopie française. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Chevrel? Je ne suis pas d'accord pour le stalinien, parce qu'il y a eu toute une réflexion française des architectes, des urbanistes entre les deux guerres, et qui avait sans volonté peut-être au fond d'effacer les taudis, tout de même, hein, absolument insalubres du 19e siècle. Ce qui est très amusant, c'est pas faux, ce qui est très amusant, c'est que les Américains eux-mêmes ont vu en Babar une sorte de préincarnation de De Gaulle. Quand De Gaulle a quitté l'OTAN, ça fait des rumeurs babaresques aux États-Unis. Bon. Et qu'au fond, Macron hérite de la constitution même élaborée par De Gaulle et à la mesure de De Gaulle lui-même. Oui, c'est Malraux qui dit, qui associe notre pachyderme à De Gaulle dans le portrait qu'il brosse de ce dernier. Vous savez, dans les anti-mémoires, il dit « Ses expressions étaient celles de la courtoisie et quelquefois de l'humour. Alors l'œil rapetissait, l'œil de De Gaulle, et s'allumait à la fois, et le lourd regard était remplacé pour une seconde par l'œil de l'éléphant Babar. » Nous y voilà. Il est probable, et il est probable que les enfants de De Gaulle ont eu les Babars entre les mains. Alors, il me faut rappeler aussi, chemin faisant, que l'ancien Premier ministre Raymond Barre a été affublé par un certain nombre de journalistes et de commentateurs du surnom de Babar. Et avec esprit, d'ailleurs, il a repris à son compte, avec amusement, cette dénomination au début ironique. Il existe sur la toile, vous la trouverez facilement, une photographie de Raymond Barre en train de lire un album de Babar avec un air gourmand. Tout à fait. C'est un lieu, Célesteville, où on n'aime pas la guerre, mais on révère, observez-le, les vieux généraux, c'est encore Sureau qui l'observe, où le troc remplace la monnaie. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de tableau de toutes les professions. Oui, oui. Extraordinaire tableau. Il y a en haut les savants, à mi-temps les artistes, et en bas il y a un balayeur, un garagiste et Le clown. Coco le clown. Coco le clown qui ferme l'affaire. Bon. Mais c'est l'extrême difficulté, c'est un peu effectivement une loi de l'échange. Comment expliquer l'économie aux enfants? C'est l'idée que chacun sert aux autres. C'est compliqué. Bon. Et effectivement, c'est très naïf, évidemment. C'est un succès universel. Je vous donne quelques indications chiffrées. 1000 ouvrages, près de 1000 ouvrages, albums périodiques, livres, documents, thèses, pas seulement le vôtre, remarquable, au pays de Babar, Isabelle Chevrel. Il y en a 999 rivaux de votre ouvrage, mais celui-ci triomphera. 1000 ouvrages, les enfants de 150 pays connaissent le roi des éléphants, les aventures ont été traduites dans 17 langues, 500 objets ont été créés à son effigie, il y a 3 longs métrages qui ont été tournés, dont Babar et le Père Noël en 1986, et 78 épisodes. Épisodes de 26 minutes ont été diffusés à la télévision, également dans un grand nombre de pays. 160 000 cassettes VHS et DVD ont été vendues en France depuis le début de l'an 2000. 15 boutiques Babar existent au Japon. Comment ça s'explique ? Alors, en fait, une des grandes raisons, c'est que les premiers albums étaient édités par le Jardin des Modes, qui est une entreprise de presse, qui n'est pas faite pour vendre des livres. Et donc, il y a eu un arrangement avec Hachette, et à partir de quoi? Je ne sais plus lequel. Ça a été Hachette qui a repris. Repris hein au Jardin des Modes, qui était le premier éditeur. Voilà. Et en 38, donc assez tôt avant la guerre. Et après ça, après la guerre, Hachette s'est trouvé, avec raison, engagé dans ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses et l'ouverture d'un marché populaire et d'une diffusion populaire du livre. On va rajouter progressivement les moyennes surfaces, grandes surfaces, etc. Et d'autres, mais par contre, les albums étaient d'un très grand format. Donc, Hachette les a réduits. Parce que ces grands livres, on les emporte pas à l'arrière d'une voiture. Et puis, coûtait très cher. Socialement, bon, c'était, voilà. C'était marqué. Vous ajoutez ensuite, en France, l'arrivée de la télévision. Et dans la télévision, l'arrivée des émissions pour enfants. D'abord première chaîne, deuxième chaîne, etc. Bon. Et à ce moment-là, on va avoir tout ce qu'on pourrait appeler des produits dérivés. Bon. Le marché de la publicité va s'en emparer. Ce qu'on appelle les droits dérivés. Hein? Alors de la vaisselle Babar, des... un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà, mais magasin de porcelaine, etc. C'est-à-dire que c'est devenu une icône qui est rendue très facile par cette silhouette très identifiable, qui ne ressemble à rien, si je puis dire, à rien d'autre qu'elle-même, avec justement ce costume vert. Vous voyez? Une agréable couleur verte. On y revient et toujours. Un de mes jeunes collègues m'a fait remarquer qu'il y avait une sorte de guerre, et il y en a eu, entre Mickey, icône américaine, et Babar, icône française. Je note aussi que les documents Snowden, en 2015, nous ont révélé que les services secrets du Canada avaient appelé Babar, un logiciel français supposé malveillant parce que capable d'espionner des communications en ligne. C'était très drôle. Parce qu'effectivement, j'ai lu ça dans la presse à l'époque. Et je vais être très drôle. Ça veut dire que ces gars avaient oublié que Babar était à ce point célèbre et que ça identifiait la France. Et il faut signaler aussi que avant cet épisode secret de la guerre des services d'un pays à l'autre, il y a un moment historique où Babar a joué un rôle extrêmement patriotique avec une croix de Lorraine sur son maillot de bain. Cette période, c'est évidemment celle de la BBC pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'était une de mes grandes découvertes, totalement par hasard, les miracles d'Internet, on va dire, des travaux d'historien, d'une part un article d'Anne Simonin. Excellente historienne. C'était passionnant, à propos de Romain Gary d'ailleurs. Et d'autre part, le travail de Jacques Plessis et Jean-Louis Crémieux-Briac. Le grand Crémieux-Briac, le grand historien de la guerre. Qui ont compilé, si je puis dire, édité toutes les émissions de la BBC. Et alors, c'est fabuleux. Il y avait 3 minutes pour les enfants. Je ne sais pas qui les écoutait en France. Et il y avait Babar, 3 minutes de Babar. Bon. Et il devient un porte-parole. Si je puis dire, il devient gaulien. Ils disent, pas besoin de le montrer, il n'y a pas d'image, qu'il a un maillot de bain avec la croix de Lorraine pour aller se baigner dans la Tamise, bon, etc. Bon. Et donc, Babar devient une sorte de porte-parole de la France libre. Combien d'enfants ont entendu ça en France? Combien de parents? Je n'en sais rien. Mais tout de même, l'idée de Sureau gaulliste, on va dire, tiens. Babar gaulliste. Babar gaulliste, c'est très drôle, Babar de la France libre. Et il s'adresse aux enfants sur les épreuves qu'ils vivent, la misère, le soutien. Il y a tout un discours. Combien d'enfants l'ont entendu, j'en sais rien. Mais il faudrait faire une enquête et je gâche qu'un certain nombre de nos auditrices et nos auditeurs conservent encore dans la mémoire cela. Ce serait formidable. Ce sera une enquête pour vous, Isabelle Chevrel. Je crois que quelqu'un a supposé qu'il fallait voir la consommation d'électricité et qui allumait le poste à cette heure-là. Mais ce serait très intéressant si vous aviez des témoignages, ce serait merveilleux. Eh bien, c'est un appel que nous lançons de concert, de concert. Alors, il y a un homme, évidemment, nous l'entendions tout à l'heure, qui a contribué à perpétuer la notoriété de Babar autour de la planète entière. C'est évidemment un des trois fils de Jean de Brunhoff, Laurent de Brunhoff. Écoutons-le une seconde fois. Écoutons-le dans l'émission Zigzag sur Antenne 2, le 16 septembre 1981. Il raconte la manière dont il a souhaité se faire, à très bon escient, l'héritier de son père. En 1946, c'était mon premier album, Babar et Coquin d'Arthur. Dans Babar, dans l'île aux oiseaux, qui est le troisième livre que j'ai fait, là j'ai fait passer beaucoup de moi-même. D'abord parce que ce domaine des oiseaux est une chose que j'ai toujours aimée et que j'aime toujours. Et puis, cette espèce d'exubérance dans cette île, l'île aux oiseaux, était tout à fait personnelle. Évidemment, ça passe surtout dans les esquisses que j'ai jetées comme ça. Et puis après, il a fallu que je revienne à une exécution plus fidèle. C'est possible qu'il y ait eu quelquefois des conflits. Et est-ce qu'il a fallu rester fidèle à la tradition de Babar, ou est-ce que vous avez voulu vous imposer en tant qu'auteur? Est-ce que Babar a changé? Est-ce que son monde a changé? Il a changé, pas parce que je l'ai voulu, mais parce que je vis dans un monde qui n'est pas celui de mon père, tout de même, il y a 30 ans de décalage maintenant, et que forcément, je m'inspire du monde qui m'entoure. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui le cousin Arthur circuler à moto, ou Babar se promener dans un supermarché avec un caddie. Ceci dit, l'esprit en profondeur de Babar n'a pas changé. Céleste a été posée, je crois, par mon père dès le départ. Enfin, pas tout à fait dès le départ. Au début, elle est vraiment la compagne, elle participe aux aventures dans le voyage de Babar. Mais à partir du moment de la naissance, elle est un peu confinée dans son rôle de femme au foyer, il faut bien le dire. Et je n'ai fait aucun effort pour l'en sortir. Parce que, je ne sais pas, bon, c'est comme ça, le personnage ne m'a pas tellement intéressé. Mais mon intérêt pour la féminité, c'est reporté sur la petite fille, Flore, qui est souvent le héros de certaines histoires. Est-ce que parfois on interprète Babar pour vous, d'une façon qui n'est peut-être pas le vôtre? Certainement. D'ailleurs, même les enfants ont une lecture qui n'est pas forcément la mienne. Ils inventent leur propre histoire quand ils voient les images, et que ça n'est pas forcément exactement le déroulement tel que moi, en tant que, je dirais, écrivain, l'a conçu. Mais je crois que les interprétations, cette interprétation-là des enfants, c'est merveilleux. Moi, c'est tout ce que je demande. Mais ce qui me dérange quelquefois, c'est l'interprétation des adultes qui ne reçoivent pas Babar exactement comme je le voudrais, qu'ils reçoivent d'une façon plus comique que poétique. De l'appropriation par les enfants de Babar, éventuellement à distance des adultes, on a un exemple frappant, c'est la nièce de 4 ans de Francis Poulenc, qui a joué un rôle important pour l'inciter à faire une musique, et nous avons entendu quelques fragments au début de cette émission, Isabelle Chevrel. Racontez-nous ça. Le peu que j'ai pu rassembler, hein, parce que ça s'étale sur un temps assez long, la petite fille commence à lui demander. Je crois que dans un premier temps, il n'en fait rien, mais il le garde dans le côté de sa tête. Et il va faire, je crois, surtout au lendemain de la guerre, une sorte de quoi ? Mise en musique, on va dire. Il garde le texte de Jean Brunhoff, il fait des coupes, et il prend, peut-être qu'il prend les passages qui lui semblent les plus propres, mieux se prêter à une sorte d'augmentation musicale, si vous voulez. Moi, je n'ai aucune culture, enfin, culture musicale lambda, et j'ai craigné beaucoup d'avoir à commenter ça, de pas savoir le faire, et j'ai été émerveillée. Et je comprends que ce soit inlassablement réédité et enregistré, pardon, et reproposé à des enfants ou des adultes. On compare souvent cette pièce de musique avec Pierre et le loup de Prokofiev. C'est très différent, parce que c'est pas fondé sur le leitmotiv. Prokofiev avait écrit lui-même le texte, ce n'est pas le cas de Poulenc. C'est très différent, parce que ce n'est pas fondé sur le leitmotiv, et c'est d'une gaieté, d'une gentillesse, d'une malice, d'une invention, que je trouve confondante. Vraiment, c'est très beau. Un autre domaine doit être abordé quand on parle du rayonnement de Babar, longtemps après la Seconde Guerre mondiale, longtemps après la mort de son créateur, c'est le domaine de la mode. Écoutez donc cette interview de l'écrivaine Carole Mann, interviewée par Marie-Christine Navarro à propos de l'exposition Babar et la mode qui a été organisée par le Musée en Herbe dans les chemins de la connaissance sur France Culture le 27 décembre 1991. Vous allez voir qu'on rejoint les plus grands couturiers. Il fallait penser à une exposition qui symbolise bien la mode et les styles français. Il y a 4 ans de cela, et j'avais réfléchi pendant pas mal de temps, qu'est-ce qui peut faire, qu'est-ce qui peut circuler, qu'est-ce qui est représentatif, et ainsi de suite. Et un jour, au milieu de la nuit, vraiment c'était l'idée lumière comme dans les films ou les bandes dessinées, je me suis réveillée d'un coup en m'écriant « Mais Babar !» Et Babar n'était pas encore à la mode, et Nelvana n'avait pas mis le grappin dessus. Donc, Nelvana, pour les auditeurs. Nelvana, c'est la société canadienne qui a racheté tous les droits, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Babar n'est plus du tout français à présent. C'est devenu un pur produit américain-canadien. Et vous avez été élevé vous-même à Babar ? J'ai eu certains livres de Babar, et j'en avais gardé un souvenir tendre, amusé, sentimental, très lointain, nébuleux. Et je me suis dit, voilà ce qu'il faut. D'autant plus que le physique de Babar et Céleste étant ce qu'il est, la silhouette de Céleste dans ses rondeurs tellement attendrissantes me paraissait vraiment, comme disent les Anglais, real challenge. Ça, c'était un défi. Alors je me suis dit, Babar et Céleste habillés par les couturiers, ce sera tout à fait divin. Et vous aviez l'impression, précisément en pensant à Babar, que vous renouiez avec la vieille tradition selon laquelle les poupées circulaient par le monde pour représenter la mode française ? Oui, tout à fait, parce que ma première idée avait été de prendre des poupées, tout à fait normales, et d'en faire une histoire du costume et de la mode. Il fallait donc présenter les poupées, mais dans des décors. Enfin, pour nous, il fallait placer les poupées dans quelque chose pour que ça puisse voyager. Et tant qu'à faire, on a décidé de placer Babar dans un décor parisien avec plein de petites scènes différentes. Un Babar citadin. Oui, effectivement. Mais Babar, si vous regardez bien les livres, est toujours très élégant. Céleste, elle s'achète souvent des robes. Ils sont très coquets tous les deux. Alors, comment est-ce que vous avez fait, une fois que vous avez eu l'idée? Vous avez demandé à des couturiers? Oui, alors là, ça a été très amusant. J'ai commencé à appeler des couturiers, puisque j'avais travaillé avec pas mal de couturiers avant. Et je leur ai proposé de faire Babar. Bon, ils ont été très enthousiastes en disant « Oui, oh, enfin, oui, Babar, ça nous correspond tout à fait ». Et est-ce que certains avaient eu justement Babar dans leur propre enfance ? Mais tous. En plus, ils aimaient beaucoup la silhouette de Céleste. C'était très amusant parce que certains couturiers l'ont mis au régime. Thierry Mugler, par exemple. Il nous a fait une Céleste avec une taille de guêpe. Alors, les costumes, est-ce que vous avez le souvenir de certains costumes qui vous ont particulièrement frappé, et pour Babar et pour Céleste ? Alors, les robes du soir de la haute couture étaient tout à fait merveilleux, avec les paillettes et les nombres dessous, et les petits jupons, les chaussettes, les sous-vêtements, très très élaborés, ou les chapeaux de forme aussi. Vous verrez les détails. Personne ne s'est contenté de mettre un petit bout de tissu et ça y est. Au contraire, je crois que les détails sont en proportion avec l'amour que les couturiers portent à Babar et à cette partie-là de leur enfance restée intacte. C'est un fantasme qu'ils habillent, un fantasme merveilleux. Et Christian Lacroix, lui, disait que Céleste, c'est sa première cliente. Oui, Céleste a été sa première cliente, effectivement. Et ce qui est étonnant quand on regarde les robes Lacroix, si on a une taille de plus de 36, disons, pour être généreux, on ne peut pas mettre du Lacroix. Mais cependant, Céleste, qui fait un bon 60, je suppose, elle a l'air tout à fait divine. Babar, comme plus du tout français, nous protesterons. Mais là n'est pas l'essentiel, Isabelle Chevrel. Effectivement, imaginez Céleste en mannequin filiforme, C'est démontrer tout simplement que les grands héros, finalement, sont capables de connaître tous les plus étranges avatars. Absolument. Au sens propre du mot avatar. Bien sûr. Mais, dans les années 30, il y a eu des tissus de, je crois que c'est Schiaparelli, avec des imprimés babars. Donc, ce jeu très étrange du luxe et de, comment dire, purifier le luxe par la naïveté, si je puis dire. Vous voyez? Quelque chose de ce genre-là. C'est très curieux. Babar entre la popularité très large et l'élitisme raffiné, tout c'est ça? Tout à fait. Absolument. Ça doit être ça. Du moins, à l'époque, ça n'était pas, hein, dans les années 30. Mais aujourd'hui, c'est devenu un produit populaire, on va dire, qui sert à de supports publicitaires, etc. Eh bien voilà qui constituera fort bien une conclusion de notre conversation. Isabelle Chevrel, avant de donner la bibliographie, je voudrais saluer la famille, en particulier les trois fils de Jean de Brunhoff qui ont donné très généreusement, naguère, à la Bibliothèque nationale de France des dessins originaux de leur père. Dessins qui évidemment avaient une grande valeur marchande, notamment aux États-Unis d'Amérique. C'est une chose trop rare pour ne pas être appréciée. Si je peux me permettre d'ajouter, mon travail a amplement profité de cette donation qui est à la réserve de la Bibliothèque nationale. Et avoir la chance d'avoir sous les yeux les aquarelles originales, parfois ça a été découpé, recollé, etc., voir la fabrique, c'est quelque chose de tout à fait remarquable pour un chercheur. Votre livre sur lequel j'ai largement fondé cette émission s'appelle « Au pays de Babar, les albums de Jean de Brunhoff ». Il y a un grand nombre d'illustrations qui permettent de se remettre en mémoire nos bonheurs enfantins. C'est une publication des presses universitaires de Rennes, un éditeur toujours remarquable. J'ai aussi fait fond sur le livre d'Iseu Williams, que j'ai cité « Chemin faisant », « La splendeur des Brunhoff ». C'est une étude utile, n'est-ce pas, précieuse même, du milieu où est né le petit éléphant. Tout à fait, tout à fait. En particulier le rôle de Michel, non, toute la famille, hein, Vogel, et puis Michel de Brunhoff, et son rôle dans la mode, mais aussi même son rôle par rapport à son frère Jean. Hein. C'est un personnage tout à fait intéressant. Vous avez donné aussi en 2013 aux éditions du Cercle de la Librairie, Isabelle Chevrel, un dictionnaire du livre de jeunesse. J'étais pas toute seule. Vous l'avez dirigé? Oui, bien sûr. C'est un gros travail, mais je le souhaitais parce que ça manquait dramatiquement en France. Eh bien, ça ne manque plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, plus complète, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Et sur le fond musical que nous propose Chantal Goya, dans une interprétation de Babar, vue par elle, qui est restée dans la mémoire de beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, jeunes femmes, dont je ne préciserai pas l'âge, mais dont notre technicienne, preneuse de son, Audrey Guélil, derrière la vitre, est très représentative. Sur ce fond de Chantal Goya, je vous rappelle qu'il s'agissait de Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux et réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Delaveau. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Concordance des temps puisque ce sera le 15 août, le jour de l'Assomption. Nous nous retrouverons dans 15 jours, samedi 22 août, autour de l'émission pour laquelle j'avais invité Alain Corbin, qui avait été diffusée pour la première fois le 2 janvier 2010 et qui s'intitulait « Les bonheurs du nez, odeurs naturelles et parfums artificiels ».